Les Castors de Delbault et le Marcos Pop de Saint-Félicien, ben, la série est menée 2-0 par le Marcos Pop de Saint-Félicien. Les Castors feront face à l'élimination demain. On va parler avec l'instructeur-chef Robin Boulian pour savoir comment est le moral des troupes dans l'ensemble. Salut Robin! Oui, salut Danny. Robin, évidemment, j'ai parlé avec Jason de Jeunesse hier, puis malheureusement, je ne retrouve plus l'entrevue. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Là. C'est de ma faute, c'est pas de la faute de Jason Pantot, c'est de la mienne, mais on va quand même parler. En gros, ce que Jason disait, c'est la performance du gardien de but était très, très, très solide devant son filet. Et ce qui fait en sorte que c'est les Castors ont tenu le fort. Est-ce que tu es d'accord avec Jason là-dessus? C'est sûr qu'Alexandre, il a été à la hauteur dans les deux parties. Il a fait les arrêts clés qui nous ont gardés dans le match. Par contre, c'est sûr que le deuxième match, leur gardien aussi, surtout en première période, on a quand même très bien joué. On a eu plusieurs occasions de marquer. Ça aurait pu être 1-0 ou peut-être 2-0 même après une période. Donc, c'est sûr que c'est une série qui joue très, très serrée. Malheureusement, on n'a pas réussi là, à prendre les 20 points dans la série. Là. C'est souvent une question d'opportuniste, hein? C'est ça? Oui, absolument. Il faut que tu saisisses tes chances, surtout qu'ils sont, des fois, ils sont pas nombreuses. Surtout contre Saint-Félicien, on va te le dire. Saint-Félicien, c'est toute une puissance dans la Ligue, même au Québec. La meilleure équipe, c'est pas loin d'être la meilleure. Donc, on réussit quand même à rivaliser contre eux, mais il nous en manque un petit peu. Je pense que si on résume un peu les deux matchs de la série, on peut pas être dessus de notre performance. On peut pas être non plus se réjouir dans le sens que il faut vraiment réussir à jouer pendant trois périodes. C'est peut-être là. Qui est notre problème. Il y a tout le temps des phases durant la partie où c'est plus difficile. Par contre, le point positif que je peux dénoter, c'est que les gars, ils abandonnent jamais. Donc, jusqu'au bout, on travaille, puis c'est ça qui donne un peu ça fait des matchs serrés. OK. Jason me disait qu'il veut finir ça absolument demain parce qu'il sait actuellement, il sait que revenir à Delbault dans un quatrième match, on ne sait jamais ce qui peut se produire. T'es d'accord avec ça? C'est sûr que lui veut finir demain, puis c'est sûr que nous autres, on veut continuer encore. Donc, ça devrait donner du bon hockey. Justement, on a une pratique ce soir là, pour mettre au point certaines failles qu'on a là, dans les aspects du jeu, surtout en avantage numérique. Donc, on veut se préparer. Pour qu'on ait un quatrième et un cinquième match. OK, OK. L'équipe, le moral, comme est dans l'ensemble? C'est très bon. Je dirais que depuis le début des séries, de toute façon, c'était ça l'objectif. On voulait préparer notre équipe autant sur la glace que hors glace pour être prêt à faire face aux séries. Puis depuis le début des séries, l'attitude, les gars, ils répondent très bien. OK, OK. Ben, Robin, on se parle. Peu importe ce qui va arriver, on va se parler de la semaine prochaine, parler des séries, faire le bilan également. Donc, si tu veux, on se parle jeudi prochain. Ouais. En espérant qu'on ne fera pas le bilan encore. Non, au moins. On puisse continuer des séries. Ben, on ne sait jamais ce qui peut arriver, hein. Ça, mais vous faites face à une grosse machine de hockey, mais on espère évidemment que prolonger le plaisir. Absolument. Voilà, donc, l'instructeur-chef des Castors de Delbault, Robin.